Monsieur le directeur chargé des archives, mesdames, messieurs, je vois que vous êtes très nombreux, c'est donc déjà un succès pour cette journée. Je suis Sophie Seyer, la secrétaire générale de l'Institut national du patrimoine, et je vous prie d'excuser Eric Ross, notre directeur, qui est auprès de la ministre, une réunion des établissements d'enseignement supérieur. Donc nous sommes toujours ravis et honorés que la Direction générale des patrimoines vienne à l'INP pour organiser ces colloques. Donc nous vous accueillons bien volontiers. Je vois que vous êtes nombreux et je vous souhaite pour cette journée réutilisation et open data, quels enjeux pour les archives, une journée d'études fructueuse. Et je passe la parole à Jean-François Moufflet. Oui, bonjour, je serai extrêmement bref aussi en tant que représentant de la direction des études de l'INP. Je tenais juste simplement à vous souhaiter la bienvenue dans cet amphithéâtre. Je suis très heureux de retrouver beaucoup de collègues des archives, mais également des jeunes gens de la promotion en cours de formation à l'INP ou de la formation qui vient juste de sortir. Et ce qui me fait aussi extrêmement plaisir, c'est que je reconnais aussi des collègues des autres secteurs, archéologie, inventaire, musée. Donc je suis ravi que la journée organisée par les Archives de France et l'INP ait pu rassembler autant de monde dans tant de spécialités. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, en espérant que les contenus qui vous sont délivrés vous permettront de vous enrichir. Réappropriez-vous, réutilisez-vous. Réutilisez-les, pardon. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'INP effectivement de nous accueillir pour cette journée d'études. Je peux témoigner qu'effectivement, Eric Ross, comme Vincent Bergeot, c'est pour ça que c'est moi qui m'adresse à vous, je devais faire la conclusion de cette journée d'études et puis animer une table ronde, mais je fais aussi l'introduction parce que Vincent Bergeot également est empêché pour les mêmes raisons qu'Eric Ross ce matin. Et voilà, donc du coup, je peux témoigner qu'ils ont effectivement un parfait motif légitime d'absence, quel que soit l'intérêt qu'ils portaient réellement au sujet de cette journée, qui est un peu une première du genre, réutilisation et open data, quels enjeux pour les archives. C'est vrai qu'on a eu l'habitude et on a fait beaucoup de journées d'études sur le numérique et ses nombreuses conséquences, mais dans le secteur des archives, on n'avait pas spécifiquement encore abordé les questions, en tout cas d'une façon un peu collégiale et multidisciplinaire d'ailleurs, les conséquences du numérique pour ce qui était de la réutilisation et de ce qui est un sous-ensemble de la réutilisation, l'open data. Ce sujet peut paraître évidemment de prime abord extrêmement technique, juridique en réalité essentiellement, mais et vous le, je crois vous le constaterez tout au long de cette journée, c'est d'abord une question aussi de politique culturelle, c'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à dire au risque de choquer Serge Daël, le président de la CADA, qui nous honore de sa présence, que le droit est un outil, mais néanmoins, c'est quand même, voilà, il y a quand même une volonté aussi politique qui doit présider à la détermination des orientations majeures qui déterminent des politiques culturelles, même si celles-ci sont encadrées, après ça, évidemment, par des dispositifs d'ordre législatif ou réglementaire. Mais c'est une question de politique culturelle, et c'est pour cela qu'il est important que les secteurs de la culture, les secteurs des métiers de la culture s'emparent aussi de cette réflexion, me semble-t-il. Alors, c'est une question qui nous semblait être tout à fait d'actualité, d'autant plus d'actualité que, on y reviendra notamment lors de la première session de cette journée, une nouvelle directive européenne doit être transposée en droit national et doit déterminer ou va déterminer de nouvelles règles pour la réutilisation et notamment très directement la réutilisation des données culturelle, qui était avant un peu exclue du premier champ de la directive de 2003 et qui se trouve maintenant, en tout cas pour les archives, mais pas non plus que pour les archives, pour les bibliothèques et pour les musées, très explicitement citée dans la nouvelle directive. Donc on voit bien que c'est un sujet d'actualité. Je parlais de la numérisation. Nous savons tous, dans tous nos secteurs culturels, que la numérisation massive des données que nous pouvons conserver, cette numérisation massive a été une grande chance, a été une grande opportunité et toujours une grande opportunité parce qu'elle permet une véritable démocratisation culturelle. Pour le secteur des archives, aujourd'hui, on considère que nous avons près de 500 millions, un peu moins de 500 millions de documents qui sont numérisés et en ligne. Ça correspond à près de 2,3 milliards de pages consultées sur les sites des services départementaux et nationaux d'archives, près de 80 millions de connexions. C'est absolument considérable. C'est pour ça que c'est un enjeu aussi de politique culturelle. C'est considérable et ça touche effectivement un public plus large que jamais, je dirais. Mais je sais que ce n'est pas que dans le secteur, évidemment, des archives qu'on connaît cette explosion de la fréquentation des données culturelles numériques. Il n'y a qu'à juger du succès des bases telles que Joconde, Mérimée, Palissy pour s'en convaincre. Et pour le secteur des bibliothèques, évidemment, le grand succès de Gallica aussi montre bien qu'effectivement, on est tout à fait engagé dans un mouvement, à mon avis, irrépressible, qui est celui de la diffusion massive de données culturelles en ligne par différents types de médias, de vecteurs, de supports. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on voit que ce ne sont pas les seules institutions culturelles qui sont, je dirais, concernées par ces politiques, ou en tout cas par les effets de ces politiques, car ces données numérisées, elles peuvent être effectivement, et c'est l'objet d'ailleurs de plus en plus de nombreuses demandes, elles peuvent être réutilisées. En fait, derrière ce terme sur lequel on reviendra peut-être, se cache quelque chose de très ancien. On a toujours réutilisé en réalité les informations et les données publiques qui étaient conservées dans nos services. Si ce n'est que la numérisation et la mise en ligne de ces données permettent évidemment une réutilisation d'autant plus facile, aisée et massive, plus que jamais, je dirais. Donc c'est ça qui est aussi très différent, c'est le changement d'échelle lié au médial même de la réutilisation. Donc c'est ça la grande différence, c'est que si les usages, une nouvelle fois, de nos données culturelles ont changé, le droit a changé aussi, il doit changer, il doit s'adapter à ces nouveaux usages, et l'on voit que nous avons de plus en plus donc, de demandes de réutilisation, y compris commerciale, de ces données. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'y réfléchir et de réfléchir aux politiques que nous construisons ensemble. Alors, le cadre juridique actuel, comme vous le savez, c'est donc la directive de 2003, directive européenne de 2003, transposée en 2005, introduite, je dirais, inscrite dans notre droit français dans la loi du 17 juillet 1978, la loi sur l'accès aux documents administratifs. Nous savons que ce cadre est assez complexe en termes d'interprétation, c'est pour ça que nous sommes toujours soucieux des avis, des interprétations de la CADA, parce que c'est un droit qui est compliqué, et d'autant plus compliqué que pour les établissements patrimoniaux et les données culturelles, justement, ce n'est pas tout à fait explicite et on est dans un régime plutôt dérogatoire qui est compliqué en termes d'interprétation parfois et qui a donné lieu d'ailleurs à des contentieux, hein, et notamment dans le secteur des archives. Alors, nous avons, je l'ai évoqué, une nouvelle directive européenne depuis juin 2013. Nous avons donc 2 ans pour la transposer en droit national. Nous espérons évidemment que, à l'occasion de cette transposition, les quelques zones d'ombre qui demeuraient et qui demeurent encore importantes dans notre interprétation du droit à la fois communautaire et national, que ces zones d'ombre seront levées. En tout cas, on va tous travailler collectivement à cela. Et il est évident que cette journée d'études participe pour nous totalement à cette réflexion. C'est pour ça que je suis extrêmement heureux qu'en dehors des archivistes fort nombreux, il y ait également d'autres professionnels ou d'autres responsables de tous les autres secteurs patrimoniaux, parce que ça ne concerne pas que les archives, bien évidemment. Et c'est pour cela que cette journée d'études, elle a vraiment été conçue comme un espace de rencontre pluridisciplinaire, mais aussi effectivement avec, les autres instances administratives, appelons-les comme ça, ou par raccourci, qui doivent également contribuer à la réflexion en termes de droit pour nous permettre de franchir cette nouvelle étape de la transposition de cette directive européenne. Donc la CADA, bien entendu, la CNIL aussi, bien entendu. Et je crois que c'était important que nous soyons tous ensemble. ensemble pour discuter de ces questions. Ce sont donc des questions très transversales, en fait, à tous les secteurs du patrimoine, hein, qui se posent une nouvelle fois. Je crois que même si, vous le verrez dans la journée, nous avons découpé cette journée en quatre grandes séquences, hein, une nouvelle fois. Une première séquence où, justement, on va revenir sur le droit actuel, en quelque sorte, en termes de réutilisation des informations publiques. Puis la seconde partie de la matinée, ce sera une table ronde où, justement, nous interrogerons sur les éventuelles conséquences de la transposition à venir de la directive européenne de 2013 et de ce que l'on peut en dire aujourd'hui, des orientations que nous pouvons connaître, mais nous ne les connaissons pas toutes. C'est bien d'ailleurs des sujets sur lesquels nous nous interrogeons. Mais en tout cas, nous ferons un point de situation sur ce sujet, évidemment, extrêmement important. Et cet après-midi, ce seront plutôt des récits d'expérience pour montrer déjà, dans le secteur des archives, puis dans les secteurs des musées, des bibliothèques et de l'inventaire, comment est-ce que l'on a mis en œuvre des politiques ou des politiques de réutilisation sur certaines données culturelles qui sont déjà, je dirais, font déjà l'objet d'une réutilisation, je dirais, importante. Voilà, donc je crois que ces récits d'expérience, et vous serez amené évidemment, hein, chaque fois il y a des temps de débat qui sont prévus, vous serez amené à donner vos avis et apporter vos propres réflexions, seront aussi, je crois, importants pour nous aider à, une nouvelle fois, affiner la position qui doit être la nôtre face parfois à des questions qui sont certes juridiques, mais à des questions culturelles aussi. Alors, la question de la réutilisation, j'en ai beaucoup parlé, il y a la question de l'open data, mais là aussi on reviendra sur cela, c'est un peu un sous-ensemble, si j'ose dire, d'une politique de réutilisation. Ça correspond à un sous-ensemble parce que toutes les données réutilisables ne sont pas des données open datables, en quelque sorte. Je pense beaucoup, évidemment, aussi aux données personnelles, par exemple. Donc, là également, il y a des nuances à introduire, et je pense que, de la même façon que l'on doit prendre en considération également le droit moral des auteurs, hein, dans le cadre de la réutilisation, la question de la protection des données personnelles intervient là également. Donc on voit qu'il y a toujours, hein, toute une déclinaison très complexe en termes de droits et de protection des droits qui sont à prendre en compte, même si effectivement le principe, une nouvelle fois, d'une large réutilisation est probablement quand même à poursuivre, car c'est un outil formidable de démocratisation culturelle et d'accès à des données culturelles qui, pour certaines, demeurait parfois un peu confidentiel, il faut bien le dire, et ont connu, grâce au numérique, grâce à leur diffusion en ligne et aujourd'hui grâce à leur réutilisation, ont acquis une visibilité, je dirais, absolument extraordinaire. Voilà. Alors, contrairement à mes deux prédécesseurs, je n'ai pas été très bref, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais je voulais vous faire ce petit topo introductif quand même pour vous dire dans quel cadre se passait cette journée et quelles étaient un petit peu la structure de nos échanges aujourd'hui. Et maintenant, je laisse justement, je dirais, les premiers orateurs prendre place pour cette première table ronde. En tout cas, merci d'être si nombreux. C'est déjà effectivement très, je dirais, pour nous, je dirais, très, très réconfortant, ou pas réconfortant, mais très, je dirais, un signe très encourageant de voir combien vous êtes tous sentis concernés par ce sujet qui est effectivement, je crois, un sujet qui va nous occuper, nous préoccuper encore pour un bon moment. Merci beaucoup et bons travaux.